Job chapitre 27. Et Job continuant, reprit son discours sentencieux, et dit, le Dieu fort, qui a mis mon droit à l'écart, et le Tout-Puissant qui a rempli mon âme d'amertume, est vivant. Que tout le temps qu'il y aura du souffle en moi, et que l'Esprit de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, et ma langue ne dira point de choses fausses. À Dieu ne plaise que je vous reconnaisse pour juste. Tant que je vivrai, je n'abandonnerai point mon intégrité. J'ai conservé ma justice, et je ne l'abandonnerai point, et mon cœur ne me reprochera rien en mes jours. Qu'il en soit de mon ennemi comme du méchant, et de celui qui se lève contre moi, comme de l'injuste. Car quelle sera l'attente de l'hypocrite, lorsque Dieu lui arrachera son âme, s'il s'est adonné à commettre des extorsions? Le Dieu fort entendra-t-il ses cris, quand la calamité viendra sur lui? Trouvera-t-il son plaisir dans le Tout-Puissant? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? Je vous enseignerai les œuvres du Dieu fort, et je ne vous cacherai point ce qui est par devers le Tout-Puissant. Voilà, vous avez tous vu ces choses, et comment vous laissez-vous ainsi aller à des pensées vaines? Ce sera ici la portion de l'homme méchant, que le Dieu fort lui réserve, et l'héritage que les violents reçoivent du Tout-Puissant. Si ses enfants sont multipliés, ce sera pour l'épée, et sa postérité n'aura pas même assez de pain. Ceux qui resteront, seront bien ensevelis après leur mort, mais leurs veuves ne les pleureront point. Quand il entasserait l'argent comme la poussière, et qu'il entasserait des habits comme on amasse de la boue, il les entassera, mais le juste s'en vêtira, et l'innocent partagera l'argent. Il s'est bâti une maison comme la teigne, et comme le gardien des vignes bâtit sa cabane. Le riche tombera, et il ne sera point relevé, il ouvrira ses yeux, et il ne trouvera rien. Les frayeurs l'atteindront comme des eaux, le tourbillon l'enlèvera de nuit. Le vent d'Orient l'emportera, et il s'en ira, il l'enlèvera, dis-je, de sa place comme un tourbillon. Le Tout-Puissant se jettera sur lui, et ne l'épargnera point, et étant poursuivi par sa main, il ne cessera de fuir. On battra des mains contre lui, et on sifflera contre lui du lieu qu'il occupait.